Il faut rappeler que ce voyage, c'est un voyage apostolique. Le pape régulièrement voyage dans le monde pour aller principalement soutenir et conforter les communautés chrétiennes qui sont dans le monde entier. Or, en Égypte, effectivement, vit une communauté très importante. On l'estime à quelques 6 millions, ce qui, pour les pays du Proche-Moyen-Orient, est énorme. C'est le pays où il y a le plus de chrétiens au Proche-Moyen-Orient actuellement. Et donc, le pape vient pour marquer son soutien à l'égard des chrétiens. Et puis, en particulier, ces chrétiens qui ont été touchés, on l'a vu en décembre, on l'a vu plus récemment, par ces deux attentats. Donc, c'est déjà sa solidarité qu'il vient montrer. Après, effectivement, on l'a vu, la première journée est plutôt consacrée au dialogue interreligieux, aux retrouvailles, entre guillemets, avec l'université Al-Azhar, donc la haute autorité du monde sunnite, avec laquelle le Vatican donc, a souhaité que des liens soient rétablis. Justement, qu'est-ce que ça peut changer très concrètement? On se demande toujours, on voit, ce sont des images fortes, hein, de voir l'imam de l'université Al-Azhar prendre dans ses bras le pape. C'est une image forte, effectivement, entre les deux religions. Mais au-delà de ça, est-ce que ça change quelque chose, un voyage comme celui-ci? Oui, alors déjà, il y a le symbole. Effectivement, c'est quelque chose de très fort de voir un chef religieux musulman d'une très haute importance comme le grand imam d'Al-Azhar et le pape s'embrasser. C'est le signe que les chrétiens et les musulmans peuvent parfaitement et ont à cultiver une amitié, une connaissance, un respect. Ce que ça change également, c'est que le pape, lorsqu'il s'exprime dans l'enceinte de l'université Al-Azhar, comme il l'a fait cet après-midi, qui est une enceinte où étaient présents un certain nombre de dignitaires musulmans, il a également délivré un discours plus universel sur, effectivement, la religiosité, sur le fait qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on ne pouvait pas concilier la violence et le fait d'avoir une religion ou d'exprimer, d'avoir une attitude religieuse et d'être violent, ou bien également un certain nombre d'éléments, comme par exemple la distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Donc il participe aussi à un dialogue au sein même du monde musulman. Alors on parle beaucoup des chrétiens coptes en Égypte, on le sait, ils sont la cible privilégiée de l'organisation État islamique notamment. Quelle est la situation plus largement des chrétiens d'Orient aujourd'hui? Alors leur situation, elle est complexe, elle est contrastée suivant les pays. Il y a des pays où ils sont tout à fait, où ils vivent dans de bonnes conditions. Il y a des pays où, comme en Arabie Saoudite, il n'y a pas une église. Donc les situations sont vraiment très différentes suivant les pays. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'ils sont très souvent utilisés comme bouc émissaire ou instrumentalisés dans le cadre de conflits qui ont plus des arrière-plans politiques. C'est le cas en Égypte. Il y a des évêques coptes aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas visés en tant que chrétiens, mais en tant que pour montrer finalement que le maréchal Al-Sissi ne maîtrise pas la sécurité dans son pays. Le pape a aussi parlé des droits de l'homme avec le président Abdel Fattah el-Sissi. On sait que c'est un sujet controversé en Égypte avec ce président qui a repris en main le pays, qui est issu de l'armée et qui a repris en main après la destitution de Mohamed Morsi. Il est dans son rôle, le pape, quand il vient parler comme ça de droits de l'homme et droits des citoyens à s'exprimer librement? Alors je pense qu'en tant que chef des catholiques et en tant que personnalité morale reconnue, il a évidemment une parole dans le domaine social et politique qui porte. Il ne fait pas de politique, mais il donne des grands principes. Et il est évident que par ailleurs, dans un pays où effectivement il y a autant un risque d'instrumentalisation très fort de la part du pouvoir que tient d'une main de fer le maréchal Al-Sissi, il est important au contraire qu'il puisse avoir un message universel et s'adresser également à ceux qui sont davantage à la marge ou tenus sous la coupe des services égyptiens.